Chapitre 13. Les années de guerre, le premier émoi puis l'optimisme du début, la bataille de la Marne, compresseur russe, Kitchener. Croyez-vous qu'elle dure longtemps, monsieur ? Chips, interrogé ainsi tandis qu'il suait la première partie d'entraînement de la saison, répondit avec un extrême enjouement. Comme des milliers d'autres, il se trompait de façon désespérante, mais contrairement à ces milliers d'autres, il ne s'en cacha pas par la suite. Nous devrions en avoir fini pour Noël. Les Allemands sont déjà battus. Mais pourquoi cette question? Est-ce que vous songez à vous engager, Forrester? Une plaisanterie parce que ce Forrester était le plus petit des nouveaux élèves, environ 4 pieds de haut, au-dessus de ses souliers boueux de football. Mais pas tellement une plaisanterie quand on y repensait plus tard, car il fut tué en 1918, abattu dans son avion en flammes au-dessus de Cambrai. Mais on ne devinait pas ce qui vous attendait. On eut l'impression d'un événement tragiquement sensationnel quand le premier ancien élève de Brookfield fut tué sur le front en septembre. Lorsqu'on reçut cette nouvelle, Chip songea. Il y a 100 ans, les élèves de cette école se battaient contre les Français. Chose étrange, en un sens, que les sacrifices d'une génération dussent effacer ainsi ceux d'une autre. Il essaya d'expliquer cette idée à Blades, la tête de promotion de l'école. Mais celui-ci, 18 ans et qui s'entraînait déjà pour entrer à l'école des cadets, ne fit qu'en rire. Qu'est-ce que ces considérations historiques avaient à faire là-dedans, somme toute? C'était bien du vieux Chips, avec ses idées bizarres et rien d'autre. 1915. Les armées immobilisées de la mer à la Suisse. Les Dardanelles, Gallipoli. Des camps d'instruction surgissant tout près de Brookfield. Des soldats se servant des terrains de jeu pour les sports et pour les exercices militaires. Rapide développement de l'OTC, l'Officer Training Corps, le corps d'entraînement pour les officiers de Brookfield. La plupart des professeurs jeunes partis ou portant l'uniforme. Tous les dimanches soirs, à la chapelle, après le service, Chatteris lisait les noms des anciens élèves tués, en ajoutant une biographie sommaire. Très émouvant, mais Chips, assis au dernier banc sous la tribune, songeait. Pour lui, ce ne sont que des noms. Il ne voit pas leur visage comme moi. 1916, la bataille de la Somme, on lit 23 noms, un dimanche soir. Vers la fin de ce désastreux mois de juillet, Chatteris, un après-midi, causait avec Chips chez Madame Wickett. Surmené, accablé de soucis, il avait l'air très malade. « Pour vous dire la vérité, Chipping, je n'ai pas la vie très facile ici. J'ai 39 ans, vous le savez, je suis célibataire et quantité de gens semblent penser qu'ils savent ce que je devrais faire. Or, il se trouve que je suis diabétique et qu'on me refuserait à la moindre visite médicale. Mais je ne vois pas pourquoi je serais obligé d'accrocher un certificat de médecin sur ma porte. » Chips n'était nullement au courant de cette situation et ce fut un coup pour lui car il aimait bien Chatteris. « Vous voyez ce qu'il en est ?» continua ce dernier. « Ralston avait rempli l'école de jeunes hommes, tous très bien sans doute, mais à présent la plupart d'entre eux sont sous les drapeaux, et ceux qui la remplacent sont d'assez pauvres maîtres, dans l'ensemble. Un soir de la semaine dernière, à l'étude, les élèves ont versé de l'encre dans le cou de l'un d'eux. Cet imbécile en a eu une crise de nerfs. Je suis obligé de faire des classes moi-même, de surveiller des études à la place de maladroits comme celui-là. Je travaille tous les soirs jusqu'à minuit et pour mettre le comble à tout cela, on me bafoie comme un embusqué. Je ne supporterai pas cette vie-là beaucoup plus longtemps. Si ça ne va pas mieux, au prochain trimestre, je m'effondrerai. « Je vous plains beaucoup, » dit Chips. « Je n'espérais pas moins de vous. Et cela m'amène à ce que je suis venu vous demander. En bref, voici ce que je propose. Si vous vous sentez à la hauteur d'une telle tâche et si elle ne vous déplaît pas, que diriez-vous de revenir à l'école pour quelque temps? Vous paraissez en très bonne santé et naturellement, vous êtes au courant de tout. Je ne songe pas à vous imposer beaucoup de dures besognes. Vous n'aurez pas de grands efforts à faire, juste quelques tâches faciles par-ci par-là, à votre guise. La principale raison pour laquelle je serais heureux de vous avoir avec moi, ce n'est pas tant le travail proprement dit que vous feriez, mais il va de soi qu'il aurait une grande valeur, que l'aide que vous me donneriez d'une autre façon, rien qu'en appartenant à la maison. Personne n'a jamais été plus populaire que vous à l'école, et vous contribueriez à la maintenir debout s'il y avait danger qu'elle tombât en morceaux. Et peut-être ce danger existe-t-il ? Haletant et le cœur plein d'une joie sacrée, Chips répondit : « Je viendrai. »